Chapitre 17e. Madame Limonier avait offert à Angélique de parler à M. Passereau ou M. de Mussidan. Elle ne savait plus trop comment l'appeler. « Nous sommes vos amis, presque vos parents. Notre intervention auprès de lui est toute naturelle. Elle n'est pas nécessaire. C'est le plus honnête homme du monde, l'homme du devoir avant tout. Il n'est pas utile que vous interveniez auprès de lui. » Elle avait encore une autre raison pour ne pas vouloir que ses amis intervinssent dans son mariage. Mais celle-là, elle n'osait pas la dire. C'était le secret de son cœur, son rêve caressé, son espérance la plus douce, qui tenait tout entière dans un mot, attendre qu'il parle lui-même et proposa ce mariage. Elle serait si heureuse qu'il l'épousa pour elle et non pour son enfant, par amour, non par devoir. Car elle n'admettait pas l'idée qu'il pût ne pas vouloir l'épouser, un homme comme lui. C'était quelques jours, quelques semaines peut-être à attendre encore, c'est-à-dire rien, en comparaison du résultat espéré. Les jours, les semaines s'écoulèrent, cette proposition n'arriva pas. Et l'extraordinaire, c'était qu'il y avait des moments où il l'examinait d'un air recueilli comme s'il était prêt à lui dire des choses graves. De quoi pouvait-il vouloir parler si ce n'est de mariage? Comme il fallait qu'il eût de terribles luttes à soutenir en lui et contre les siens pour ne pas l'avoir fait encore. Et comme elle le plaignait, quel agacement, quel tourment pour lui, si loyal. Et même elle eût voulu pouvoir lui dire qu'elle se mettait à sa place et de tout cœur le plaignait. Ses luttes même, ne prouvaient-elles pas la profondeur de sa tendresse? Enfin, un soir qu'il l'avait examinée plus longuement encore que de coutume et d'un air peiné, elle sentit qu'il allait enfin aborder le sujet qui le préoccupait. Comme son cœur battit. Jamais elle n'avait éprouvé pareille émotion. Si vive, si délicieuse, enfin. Et comme elle avait bien fait d'attendre. Ça avait été pour elle une terrible responsabilité que de refuser le concours de ses amis limoniers. Et bien des fois, elle s'était demandé s'il n'avait pas eu tort. Elle eût eu sa mère, son père, qu'il serait intervenu assurément, et ne l'aurait pas laissé régler elle-même sa vie, ou plutôt la jouer ainsi. Les limoniers lui tenaient lieu de père et de mère, et cependant, elle n'avait pas voulu de leur intervention. Est-ce qu'elle eût été transportée de ce délire de joie si Madame Limonier était venue lui dire « Il accepte ». Heureuse oui, mais non de ce bonheur qui l'anéantissait. Il se colatait d'un air mécontent. « Savez-vous que vous maigrissez, ma pauvre enfant ? » dit-il. Elle regarda sans comprendre, abasourdie. « Vous ne mangez pas assez. Pourquoi ne mangez-vous pas ? » ?»« Je mange pas assez. » Elle resta consternée sous ces paroles si différentes de celles qu'elle attendait, ne comprenant rien. À ce ton fâché, à cette mauvaise humeur inexplicable. Qu'avait-elle donc fait? Elle ne le voyait pas. « Je vais vous dire, moi, pourquoi vous maigrissez, » continua-t-il. « C'est votre faute. Vous ne sortez pas assez, ma petite. Il est bon de travailler, mais il ne faut pas trop travailler. Pourquoi, tous les jours, quand je descends à Paris, n'allez-vous pas vous promener de votre côté? À rester enfermé toujours, vous perdez votre fraîcheur. Vous avez les joues creuses, les yeux cernés, le visage tout couvert de taches terreuses. » Elle avait baissé la tête comme pour cacher les laideurs de ce visage terreux, ses joues creuses, ses yeux cernés. « Il faut vous soigner, » dit-il. Elle releva à demi la tête et timidement. « Cela se passera sans soin, » dit-elle. « Mais non, et je ne veux pas que vous perdiez votre fraîcheur. » Elle appela tout son courage à son aide. « Vous ne vous doutez pas un peu, » demanda-t-elle, « de ce qui a pu amener la perte de cette fraîcheur que vous regrettez? Je vous l'ai dit, votre vie renfermée. » En dehors de ma vie renfermée, vous ne voyez pas d'autre cause au changement qui vous fâche? Ma foi, non. Mais vous ne voulez pas dire que je vous rends malheureuse, n'est-ce pas? Oh non, bien sûr, alors. Elle eut un moment de cruelle hésitation. Ça avait déjà été une déception bien dure de ne pas l'entendre dire le mot qu'elle attendait si impatiemment. Mais maintenant, c'était un coup terrible qu'elle recevait, en voyant qu'il ne pensait même pas chercher une explication naturelle au changement et aux laideurs qu'il lui reprochait. L'excès même de la souffrance la poussa à parler. Elle ne pouvait pas rester sous ces accusations, quand le mot qu'elle avait à dire devait, lui semblait-il, changer cette mauvaise humeur en joie triomphante. « Ces taches, » fit-elle en posant son doigt sur son front, « ne vous disent donc rien. Elles me disent que vous êtes en mauvaise santé. Mais pourquoi suis-je en mauvaise santé? Ça, je vous le demande. Vous ne le devinez pas. Rien ne vous le dit. Ma foi, non. Eh bien, je ne dois pas me taire plus longtemps. » « C'est à moi de vous le dire. Je suis... » Elle hésita. « Je suis... » Elle baissa la voix. « Je suis enceinte. »« Ah, par exemple !» elle avait été partagée entre deux sentiments contraires. Comment prendrait-il cette nouvelle? Serait-elle bonne? Serait-elle mauvaise pour lui? En serait-il heureux? En serait-il fâché? Avant de parler, elle s'était dit qu'il ne pouvait qu'en être heureux. Mais on le voyait aussi peu disposé à la comprendre, ses craintes lui étaient revenues. Ce mot la navra. Hélas, qu'il était loin du cri de joie qu'un moment elle avait espéré. « Par exemple, » répétait-il, « par exemple, eh bien, je ne m'attendais pas à cela. » Et comme elle se tenait devant lui dans une attitude accablée, il crut de son devoir de lui adresser quelques bonnes paroles. « Voyons, voyons, ma petite, il ne faut pas vous désespérer. À l'instant même, vous paraissez toute heureuse, et voilà que maintenant vous êtes éplorée. Pour m'avoir dit cela? Si quelqu'un devait le savoir, c'est moi. Vous ne croyez pas que je vous en veux, n'est-ce pas ?» Elle balbutia. « Je crois que cela vous fâche. » « Me fâcher, moi? Et pourquoi? Pourquoi voulez-vous que cela me fâche? Est-ce que je ne sais pas que vous serez une bonne mère? Vous l'adorerez, cet enfant, qui sera tout mon portrait. Tous mes enfants m'ont ressemblé. » Puis sentant que le besoin de dire des paroles pathétiques l'avait entraîné, il se reprit. « Si vous connaissiez mes fils, mes deux fils, vous verriez qu'ils sont de Mucidan des pieds à la tête. Comme je suis content que ces petits riens que je remarquais en vous aient une cause naturelle. Vous redeviendrez charmante. C'est très joli, une jeune mère. J'ai toujours aimé cela. Non seulement cet enfant vous parera d'un nouveau genre de beauté, mais encore, il vous rendra heureuse. Vous avez besoin d'affection autour de vous. Je ne suis pas toujours là. Vous serez une bonne mère. » Elle eut un cri de défaillance. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Sans doute, il ne comprit pas, ou plutôt, il n'entendit pas, les oreilles pleines du bruit de ses propres paroles. « Il ne faut pas dire non. » continua-t-il. « Je suis sûr de moi. Moi qui vous connais bien, vous serez une bonne mère. » « La meilleure des mères. Ce n'est pas vous qui aurez peur de travailler pour votre enfant. Et comme il aura toutes vos qualités morales, plus tard il vous en récompensera. Il faut penser à l'avenir. Un jour, les circonstances peuvent nous séparer. » Il se reprit encore. « La mort peut nous séparer. Eh bien, il vous restera. Il vous aimera, vous m'aimerez en lui. On ne sait pas comme un enfant console. On retrouve en lui les traits de la personne qu'on a perdue. D'un mot, il nous la rappelle. Par un sourire, il la rend vivante. Quand depuis longtemps déjà elle n'est plus. L'enfant, c'est la résurrection. » Et il continua ainsi longuement, en filant des phrases, comme s'il jouait au bilboquet. Content de lui quand il en avait réussi une, fâché quand il avait manqué, mais non découragé, car il la reprenait aussitôt. Tant qu'il parlait lui-même, elle ne disait rien. Et il aimait mieux cela.